La transgression parle au méchant au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Il se flatte à ses propres regards pour ne pas voir son crime odieux. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage et à bien faire. Il médite le mal sur sa couche. Il se tient sur une voie qui ne mène pas à la lumière. Mais ta bonté éternelle atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité s'élève jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements comme l'abîme inconnu. Ô Dieu, que ta bonté. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta grâce sur ceux qui te connaissent et ta justice sur les cœurs sincères.